Et sur cette terre, on fait les cons. L'un de ça, soir, t'écoutais. Truc, je suis un sale voleur. Just a minute. Open project. No. Clavier. 2, 3. C'est pas clavier ça?